chrono Motoball. Allez, on va retrouver Jean-Yves pour le Motoball. Jean-Yves, juste avant de parler du Motoball, peut-être une info sur le rugby à 13, puisqu'on sait que là aussi, ouais, ça bouge pas mal. Écoute, la saison se termine, les clubs bourcusiens, avec nos amis de Carpentras qui ont été battus par Bao en demi-finale du championnat de France de National 2. De National, d'élite 2, pardon, excusez-moi. Les Carpentras qui avaient tenu un long moment dans ce match et puis finalement ont un petit peu effondré. Le score est lourd, je ne l'ai pas en tête, je suis désolé, mais le score est relativement lourd. En tout cas, c'est une belle aventure pour ces Carpentras Racing qui nous font un peu la même qu'ils avaient fait la saison dernière, hein, rappelle-toi, un petit peu à la peine en championnat. Et puis finalement, ça les transcende, ces Carpentras Racing. Ils avaient fait un coup l'an dernier en Coupe de France. Et bien là, cette année, c'était en championnat. Ils sont arrivés en demi-finale. Bravo à eux. Joli parcours. On les reverra très probablement en élite 2 la saison prochaine avec de nouvelles ambitions. J'ai entendu dire qu'eux aussi voulaient retrouver leur lustre d'antan, et pourquoi pas. Ça, c'est une belle chose. Ouais, bien sûr. Quand un club comme Carpentras décide de se structurer et de retrouver son lustre, moi j'applaudis dès demain, bien sûr. Hein. Alors il y a un petit bémol, Carpentras, parce que c'est le départ du président Goré qui jette l'éponge. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et il me disait être là de ses années de présidence. C'est manifestement, c'est quelque chose qui affecte beaucoup et qui l'a beaucoup abîmé. C'est dommage parce qu'il avait fait un énorme travail. Il a repris le club à un très très bas niveau avec quasiment pas de gamins à l'école de rugby. Il a réussi à restructurer tout ça et à remettre le club dans le sens de la marche. Donc bravo au président Goré et bienvenue à son successeur qui n'a toujours pas été désigné. Voilà, revenons plus sérieusement maintenant au Motoball. Hein. Merci pour cette belle info sur Carpentras pour le rugby à 13. Restons dans le Motoball. Deux résultats en possession ce soir, parce que malheureusement, je n'ai pas pu avoir le reste. Carpentras qui a frappé fort du côté de Troyes avec une belle victoire 4-3. On connaît la détermination de ce club de Carpentras en Motoball qui veulent cette année essayer d'avoir ce titre de champion de France. Et les champions de France recevaient Neuville. On sait ce qui s'était passé en coupe, ça s'était pas très bien passé du côté de Neuville, c'était un petit peu la revanche, et on s'est quitté sur un score de parité, un partout, match nul. Jean-Yves. Ouais, match nul sur le score, mais superbe match dans le contenu, Fredem, puisque on a vu les Montpelliérains presser toute la soirée. Les joueurs de Neuville le doivent leur salut, qui a une prestation extraordinaire de leur gardien de but. Ce type-là était en folie, ce gardien de but. Il a sorti des arrêts de notre monde. S'il n'avait pas été en folie comme il l'a été samedi soir, je pense que l'addition aurait pu être lourde et probablement que les Montpelliérains auraient arraché une victoire par pas loin de 4 ou 5 buts. Et ben voilà, le gardien de Neuville était en folie. Il a sorti des arrêts de notre monde. Et il a probablement sauvé son équipe d'une raclée certaine. Allez, on va écouter, tu nous as ramené Fraisse Stéphane, qui est aujourd'hui le joueur, entraîneur de cette équipe de Monteux. Ouais, si je me trompe, hein. C'est le poumon. Le poumon, ouais. On va l'écouter. Avec Stéphane Fraisse, nouvel entraîneur de cette équipe de Monteux. Stéphane, bon match ce soir. Très très bon match, très très bonne performance des jeunes. Je savais qu'ils étaient capables de faire quelque chose, mais là ce soir ils me l'ont bien prouvé. Il y a eu beaucoup de sérieux, de l'engagement, et ça a payé. Voilà, c'est beaucoup de travail, et je suis très très content ce soir. C'est comme une victoire. Parle-nous de tes nouvelles fonctions maintenant, puisque tu as pris du galon et un peu contraint et forcé manifestement, mais parle-nous de la manière dont tu le vis, dont tu le gères. C'est quand même très compliqué, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. J'avais un atout, c'était David. Bon, avec sa fracture, ben, là je me sens un peu orphelin, on va dire. Et ça va, je même que ça soit compliqué, voilà, ils y mettent de l'envie, ils sont quand même à l'écoute. Et voilà, je veux dire, on avait fait un beau match à Neuville, donc déjà ils m'avaient prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose. À 3, bon, le score 7-2, mais sur 3 périodes, on a su tenir une grosse équipe. On est allé faire un beau match à Beaujaucourt, même si on perd 4-3. Je savais qu'à un moment donné, on allait faire quelque chose. Et là, voilà, ce soir, on aurait pu gagner, comme on aurait pu perdre. Mais je pense qu'on a fait une belle, très très belle prestation face à Neuville. Et voilà, ça sera mon match référence, on va dire. Merci Steph. Voilà, Stéphane Frès, qui est très heureux quand même du groupe jeune. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a pas eu, il y a eu pas mal de départs. On va en parler dans quelques secondes, le temps de revenir sur cette rencontre. Et on parlera bien sûr de l'élite 2 et d'un personnage qu'on lui doit tout aussi à Monteux. Ouais, écoute, cette équipe de Monteux, ben, elle est en train de se reconstruire. Il y a des joueurs qui ont été obligés de prendre des nouvelles responsabilités. On parle de Stéphane, hein, qui était un bon joueur et qui a été appelé à prendre la responsabilité technique de l'équipe. En même temps, il reste joueur parce qu'on en a énormément besoin. Il pensait beaucoup faire la paire avec David Zima. On sait ce qui est arrivé contre Neuville avec David. Il a une fracture du péroné assez grave, donc il est sur le toit pour la saison et il a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur la moto. David qui sert un petit peu d'assistant à Stéphane quand Stéphane joue, c'est lui qui gère un petit peu le truc. Mais manifestement la mayonnaise est en train de prendre, et puis on voit des joueurs qui avaient peu de temps de jeu la saison dernière, mais qui du coup avec les départs de Mathieu et d'une paire d'autres, qui sont obligés de prendre leurs responsabilités, et ça donne un collectif plutôt sympa à voir évoluer avec des mecs qui en tout cas mouillent le maillot. Ça gagne pas encore, mais on n'est pas loin de d'avoir de bons résultats. Allez, on va parler un petit peu de l'élite 2. Je te laisse. Je voulais dire un petit mot sur cette équipe sur ce club de Monteux. On va essayer de mettre le volume un petit peu plus fort, car on a beaucoup de mal ce soir. Tout à l'heure, c'était très bien, là, ça devient un petit peu, pas médiocre, mais c'est compliqué, il est au téléphone ce soir. Excusez-le, vas-y, Jean-Yves. Alors, attends, donne-moi une petite seconde, je vais changer de place, excuse-moi. Hop. Voilà, parce qu'on fait tout ça en étant direct, bien sûr. Hein. Il est du côté de Brest ce soir, il intervient, bien sûr, dans Top Chrono Week-end, on est dans le motoball. On parle des Jaguars de Monteux. Il va intervenir dans quelques secondes parce qu'il y a... Un petit peu mieux là. Ça peut être un petit peu mieux. Ça devrait être un petit peu mieux là, Fred. Oui. Ça devrait être un tout petit peu mieux. Je voulais parler de ce club de Monteux qui est quand même en difficulté. Hein. On se rappelle ce qui est arrivé la saison dernière au moment de la fin de saison avec un personnage qu'on va pas citer parce que j'ai pas envie de lui faire de pub. Alors je te donne juste un score, là, Jean-Yves, juste avant que tu continues de parler. Excusez-nous, messieurs, dames, mais c'est très très important. Élite 2, Valréas gagné par forfait et Teddy Mathieu a marqué 5 buts. Ouais. C'est à toi. Ouais, Mathieu qui a fait une superbe saison du côté de Valréas. Et tu peux continuer ton analyse. Ouais. Non, simplement que ce club de Monteux repose sur peu de gens qui arrivent un petit peu au bout des souffles. On a vu Alain Lempereur, on a vu les mécanos qui sont prêts à s'arrêter, on a vu le président Parayi qui a du mal à trouver quelqu'un pour passer la main. Et peut-être que ça c'est bien que les gens qui aiment le motoball se rapprochent de ce club de Monteux pour essayer de donner un coup de main à ce club. Parce que ce club qui est mine de rien champion de France en titre a énormément de mal à faire la saison correctement. Les départs des joueurs, les dirigeants qui sont plus fatigués, qui sont là aussi après ce qui s'est passé en fin de saison. J'avais envie de tirer un coup de chapeau à tous ces gens qui s'investissent autant pour le motoball à Monteux. Et puis de dire que si quelqu'un voulait leur donner un petit coup de main, ils étaient les bienvenus. Je fais ça à la demande de certaines personnes du club, certaines personnes du club qui m'ont demandé de bien vouloir passer ce message, Fred. Voilà, ben écoute, c'est parfait. Je crois que le message que tu as donné, c'est un message flatteur pour les dirigeants et les nouvelles personnes qui ont pris la tête de ce club et qui ont décidé de mener le champion de France peut-être vers, pas un deuxième sacre, mais vers une belle saison.